Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, comme tous les lundis, comme à l'accoutumée en direct, à partir donc du faisceau hertzien 94 MHz de Canal B, aussi diffusé à partir d'Internet. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent à partir du poste Galen électronique, à partir du site asile35.blogspot.fr ou encore du mixcloud.com/redman. Un peu la crève pour tout vous dire, dopé aussi comme un athlète russe au cachet Vichy matinée de Mantes. Mais on va commencer quand même sans plus attendre par un split album, et ce qui va nous permettre de retrouver la formation Control the Bleeding, le combo new-yorkais mené par Paul Lemos, seul survivant de cette formation qui a démarré vers 1978-80 et qui a sorti énormément de choses, tant dans l'expérimental que dans le métal industriel. On peut un peu les comparer à Coil ou aux Swans dans le côté transgenre et aussi transgénérationnel, avec un plus des côtés un peu dub, goth, progressif, voire même free jazz. Ces gens-là ont dû sortir à peu près 45 albums longs, en publiant parfois jusqu'à 3 ou 4 disques la même année, notamment au cours des années 80-90. Et depuis le début des années 2000, Control Bleeding connaît une certaine léthargie, avec uniquement un disque tous les 3 ans ou 4 ans. Et là, je propose un split album de Control Bleeding en compagnie de Sparkle in Grey. C'est sorti à la fois en CD et en digital sur le label suisse Old Bicycle Records, en coproduction avec Off, qui est un label belge. Et on écoute deux titres pour démarrer de Control Bleeding et l'introduction de ce split album sous le titre Perversions of the Agin Seventh. Thank you. Démarrage chez les Barjots dans l'asile le plus sûr avec tout d'abord le groupe Tantinet satirique Control Bleeding en compagnie sur ce split de Sparkled in Grey, ça s'appelle le Perversions of the Aging Savant. C'est sorti un peu avant l'été, début juin je crois, sur le label suisse de Piazzonia et aussi chez Off en coproduction, qui est un label belge qui publie tout autant du dark folk que du free jazz. Et on a enchaîné Control Bleeding qui fait son grand retour, hein. On les entend plus vraiment, il y a un disque plutôt tous les 3-4 ans. J'ai pas eu l'occasion de vous passer du tout la musique de ce combo qui sont un peu des survivants de la grande époque goth des années 80, Control Bleeding. Donc c'était enchaîné avec Volcano The Bear, la formation de Leicester qui fête ses 20 ans cette année, 20 ans tout rond au compteur, et à l'occasion de cet anniversaire, le label berlinois Miasma sort un coffret assez exceptionnel, je dois dire, 5 vinyles, 64 titres et un peu plus de 4 heures de musique, agrémenté d'un beau livret de 50 pages avec pas mal de photos, d'illustrations, de flyers et aussi d'anecdotes de toute leur carrière, hein, de 95 à 2015, même si le groupe est un peu moins productif que dans les années 2000. Hein, ils ont un petit peu calmé le jeu, notamment à cause des side projects des différents membres. Je pense notamment à Daniel Padden ou encore à Rand Moore, qui sont très très productifs et collaboratifs. Et donc Volcano The Bear, qui était au départ plutôt un quatuor avec Clarence Manuelo et Nick Mott, et ça fonctionne désormais en trio avec des formations à géométrie variable, mais toujours dans un registre un peu post-psychédélique avec un mélange entre improvisation, dadaïsme, un petit côté aussi Faust sur le retour, comme sur le titre qu'on entendait, qui était un morceau de 1998, Sex Transfusion, qu'on retrouve d'ailleurs sur un CDR, je pense, qu'ils avaient édité sous le nom de Volceptor, qui sont assez coutumiers de sortir des mini ou des disques à tirage limité, en plus des disques officiels. On leur avait consacré d'ailleurs au moins une émission longue ces dernières années, c'était en 2007, si je ne m'abuse, que j'avais remonté avec des morceaux bonus, et je vous mettrai d'ailleurs le lien pour écouter cette spéciale Volcano The Bear à partir du site de l'émission asile35.blogspot.fr. On va enchaîner avec la face Sparkle in Grey, le groupe qui partage ce split en compagnie de Controlled Bleeding, et ça va d'ailleurs faire pas mal penser au projet de Daniel Padden, son One Ensemble notamment. Sparkle in Grey, qui est la version italienne, on pourrait dire, de Tuxedo Moon ou encore de Current 93, donc un mix de post-rock et de folk-prog, matinée de musique nouvelle pour ce quatuor de la botte qui mélange violon, bagpipes, piano, mélodica ou encore électronique, et qui existe depuis le milieu des années 2000. Ils ont enregistré une demi-douzaine d'albums longs et aussi des collaborations, notamment aux côtés du pionnier des musiques noise italien Maurizio Bianchi, ou aussi aux côtés des électroniciens Giuseppe Jelasi et autres Nicolas Ratti. Et au sein de ce Sparkled in Grey, on retrouve un musicien qu'on a côtoyé ces derniers mois. Il s'agit de Matteo Uggeri, qu'on vous a proposé au moins deux fois au printemps dernier dans la spéciale Botte Secrète qu'on avait enregistrée le lundi de Pâques, et aussi dans l'émission spéciale Yannick Schaeffer en compagnie de Damien du Bon Accueil. Et donc c'est la formation dans laquelle il officie, ce Matteo Uggeri, que je vous propose de découvrir tout de suite avec un long extrait de ce split Perversions of the Aging Savant. Le titre, c'est une suite en fait, extraite donc de cette participation à ce split en compagnie de Control Bleeding de Sparkled in Grey. Thank you. Alors voilà ce qu'on peut vraiment appeler de la noise hippie dans les îles obscures sur l'antenne du 94 MHz. À l'instant, il s'agissait du dernier album de Wolf Hives. Et oui, autant aussi étonnant que ça puisse paraître, Wolf Hives est de retour avec un nouvel opus. I Am a Problem Mind in Pieces, qui plus est sorti sur un label totalement incroyable, le label de Jack White des White Stripes. Alors le combo du Michigan est de retour, donc avec un disque assez étonnant, beaucoup plus contrasté que le précédent qui s'intitulait No Answer Lower Floors, qui était sorti il y a de ça 2 ans sur deux Stiges, et qui marquait l'introduction de leur tout nouveau membre en la personne de Jim Baljo et sa guitare acérée et un tantinet noise grunge. Donc disque assez étonnant, comme je disais, fini les outrances ultra noise du combo qui avait un peu servi de figure de proue à la noise américaine des années 2000 à base de générateurs de fréquences malmenés et autres bruits blancs. Nathan Young et John Olson, les membres historiques, balayent un peu tout ce qui a pu faire leur légende sur ce disque, notamment les précédents Slice, Dread ou encore Burning Mind. Comme toujours avec la formation du Michigan, on retrouve un côté un peu zombie avec des textes assez cauchemardesques et des ambiances proches de la suffocation. Donc ça c'est pour ce qui n'a pas changé de Wolf Hives. Alors ce qui est très étonnant, c'est le côté guitare sur pas mal de disques et puis des vocaux qui font pas mal penser à du hardcore noise des années 80. Le traitement des voix qui est très très différent de ce qu'ils ont pu donner. À noter que Wolf Hives, en parallèle de ce nouvel album I Am a Problem Mind in Pieces, ont réédité aussi quelques vieux trucs. Ils ont mis à disposition notamment des raretés sur leur Bandcamp et ils ont réédité ces derniers mois leur tout premier LP Dread ainsi que la cassette Splicer, à l'époque où ils sonnaient un peu plus comme un croisement entre SPK et Agitation Free. En tout cas un disque assez curieux à découvrir. Il y a direct la moitié du disque qui réussit, alors sur des ambiances un peu low tempo ou mid tempo comme ce qu'on entendait, avec un côté un peu pesant et un peu barré, ça le fait plutôt bien. Il y a des morceaux peut-être plus d'obédience rock qui sont peut-être un tantinet en dessous, voilà, qui font pas vraiment avancer le schmimblick de la musique de Wolf Hives. En tout cas, on va quand même suivre leur prochaine frasque et certainement essayer de les voir sur scène un jour. Juste avant Wolf Hives, il s'agissait de Sparkle in Grey sur ce split Perversions in the Agin Savant. Alors là, c'est une vraie découverte, hein, ce groupe italien en compagnie de Control Bleeding sur ce split. Comme je vous disais, ils ont sorti 5-6 trucs avant ça et c'est vraiment très très réussi ces pièces. Donc je vais me ruer sur leur précédente production. Et voilà donc pour Sparkle in Grey, qui sonne un peu comme du Tux du Moon de la grande époque, on pourrait dire. Voilà, on va enchaîner avec tout autre chose et un guitariste américain qui répond au nom de Adam Rudolph, qui s'est fait connaître notamment pour avoir accompagné quantité de musiciens à partir du milieu des années 70, notamment Fred Anderson, Don Cherry, Youssef Latif ou encore Wadada Leo Smith. Et il est de retour avec un grand orchestre de guitare sur un disque publié par le label Cuneiform Records sous le nom de Turning Towards the Light, donc une vraie tribu de guitaristes, puisqu'ils sont pas moins de 10 à le rejoindre pour ce projet. Alors ça sonne pas comme du Glenn Branca ou du Rich Chatham, mais plutôt comme un croisement entre jazz et musique nouvelle. Et au sein de ce Go Organic Guitar Orchestra, on retrouve des musiciens assez connus de la scène américaine, qu'on vous a proposé d'ailleurs ces dernières semaines dans les îles plus sûrs, notamment Nels Klein ou encore Liberty Hellman. Il y a aussi David Gilmour, qui lui est plutôt coutumier de projets un peu jazz fusion, si je ne m'abuse. Et la musique d'Adam Rudolph, s'inspire un peu de musique du XXe siècle, type Messiaen ou encore Bartok. Et donc ça fait partie de la livraison automnale du label de Washington Cuneiform, qui réédite aussi cet automne l'album Chronolyse de Pinas, ainsi qu'un nouvel album aussi du guitariste finnois Raoul Björkenheim, qui est assez pénible d'ailleurs ce disque à l'écoute, ou encore Sonar et Pixel. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ce premier opus pour Cuneiform de Adam Rudolph, et on écoute le morceau qui démarre ce disque. Beaucoup de petites pièces, différentes compositions, un florilège de ses compositions, lui qui a déjà sorti 5-6 disques, mais plutôt par ses propres moyens, un album qui permet de faire connaître sa musique. On écoute le titre Sun Salutation par le Go Organic Guitar Orchestra de Adam Rudolph. Thank you. Une séquence plutôt guitare dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec un collectif de guitares sous le nom Go Organic Guitar Orchestra. C'est le projet de monsieur Adam Rudolph qui n'est pas très connu sous nos contrées, qui est un américain, je ne sais pas trop où il réside, et qui vient de sortir ce disque Turning Towards the Light sur étiquette cunéiforme. Disque plutôt honnête qui s'écoute assez calmement le soir pour méditer. Et on a enchaîné sa musique avec celle de l'excellent groupe Alle Chatistas, le fameux duo au nom imprononçable. On ne sait jamais trop où mettre les H non plus pour cette formation basée en Caroline du Nord qui revient avec un disque sous le nom de Arebato. C'est sorti fin du mois d'octobre en vinyle en CD sur le tout jeune label qui monte de Chicago International Anthem. Shane Parrish, guitare, et Ryan Oslans à la batterie, qui officie depuis une bonne quinzaine d'années. Au départ, il produisait des disques d'ailleurs chez Cuneiform, plutôt dans le registre un peu prog rock. Et depuis, ils font cavalier, non pas seul, mais en duo, la paire uniquement avec des disques qui étaient sortis déjà précédemment. C'est leur troisième opus, si je ne m'abuse, tous les deux, et toujours une musique un peu de travail. Assez ethnique dans l'esprit et de recherche. Voilà pour le projet Alle Chatistas, les bien nommés, et le H, le premier H est après le A. Voilà, on va continuer avec une séquence électronique qui démarre et la musique de monsieur Christophe Bissonnette. C'est le quatrième album solo pour ce compositeur électronique qui a démarré plutôt dans le mouvement électro-techno de Détroit dans le courant des années 90. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une formation en art multimédia. Alors j'ai l'impression que je ne vous ai pas proposé sa musique depuis 4-5 ans, tellement il est discret. Mais il produit un disque à peu près tous les 2 ans. Et comme les précédents, cet opus nous a bien titillé les pavillons. Il s'intitule Pitch, Paper and Foil, ce qui doit vouloir dire quelque chose comme fréquence papier et alu, ce qui décrit assez bien la fragilité de l'ensemble de son disque. Et on y retrouve donc un mélange plutôt copieux entre séquences synthé modulaires et traitements de timbres et structures au cordeau. Je propose d'écouter un titre de cette excellent Pitch, Paper and Foil qui sera suivi par 2 autres pièces électroniques, donc une longue séquence, et on démarre avec ce morceau de Mr. Bissonnette, The Rate of Delay. Thank you. séquence de musique électronique sautillante dans l'Asie de plus sûr, une fois n'est pas coutume. On a démarré tout d'abord avec des ambiances un peu plus cotonneuses, celle de Christopher Bissonnette et son disque Pitch Paper and Foil, sorti sur étiquette Cranky, très très belle galette du compositeur électronique américain. On a enchaîné avec un nouveau venu sous le nom de Aras Mori et le disque Hétérodine, sorti sur l'excellent label Type Records. Il s'agit d'un producteur originaire de Madrid qui oscille entre noise et techno, avec un album plutôt sculpté et façonné de longue haleine, puisqu'il a lui appris à peu près 13 ans pour produire ce Hétérodine, monsieur Aras Mori, qui a pas dû sortir beaucoup de choses par ailleurs d'ailleurs. Donc c'est vraiment une très belle découverte du label de Birmingham et du Massachusetts Type Records. Et là à l'instant, ce qui défile derrière moi, c'est une autre production de ce même label. Il s'agit de Andrea Taggi, qui est la moitié italienne du duo Lumizoki, qu'on vous avait proposé le mois dernier, la rencontre entre Andrea Taggi et Konrad Ecker, avec un disque qu'ils avaient sorti chez Alter, le label de Luc Younger. Et donc ça m'a permis de faire connaissance avec ce même Taggi, qui a une production sous son propre nom, à l'image de ce disque qui s'intitule le Mama Matrix Most Mysterious. C'est son troisième disque officiel, mais les deux précédents étaient sortis à petit tirage, notamment chez Opal Tapes. Voilà, on va enchaîner avec tout autre chose, une séquence d'impro avec des musiciens que j'adore, notamment les trompettistes. Il s'agit de Axel Dörner, que je suis depuis une bonne quinzaine d'années, toujours des productions assez exceptionnelles dans la trompette multiphonique et en quart de ton. Il est en compagnie de l'Autrichien Franz Holzinger, tout aussi époustouflant, et du trompettiste d'origine libanaise dont on vous parle assez régulièrement, notamment pour ses projets le Johnny Tafta Orchestra ou encore le A-Trio Mazen Kerbach. Ils sont en compagnie d'un tubiste qui répond lui au nom de Karl Ludwig Hübsch, qui fait partie de l'ensemble X aux côtés de Joey McPhee, et qui a aussi des projets en compagnie de Jaap Blonk. Et tous les quatre, ils forment le Arima Brass Quartet, qui est une très belle formation qui vient de signer son premier album. Mais je crois qu'ils existent depuis quelques années, puisque ça a été enregistré en 2013, et apparemment ils continuent de se produire. On va pouvoir se rendre compte un petit peu de leur musique avec le titre Armenian Coffee. Non, c'est même pas Armenian Coffee, je crois que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je propose plutôt d'écouter Amra Drinks, extrait de ce disque de l'étiquette Almaslak, dont s'occupe d'ailleurs monsieur Kerbach, de l'Ariba Brass Quartet. Thank you. Tranche de jazz free pour terminer les îles de cette semaine avec un disque de la saxophoniste allemande Ingrid Laubrock qui joue régulièrement avec des musiciens étrangers, notamment américains, comme sur ce disque qu'elle vient de faire paraître sur l'excellente étiquette Firehouse 12. L'album s'appelle Tuba Tuba. Elle le sort en compagnie de ses camarades Tim Bern au sax alto, Dan Peck est au tuba, Ben Gernstein au trombone et Tom Rainey, avec lequel elle joue régulièrement, est à la batterie. Donc pas de basse, basse, de contrebasse plus exactement, sur ce Uba Tuba sur Etiquette Firehouse 12 par Ingrid Laubrock. Quelques annonces, concerts avant de se quitter avec une soirée au Warwick cette semaine, jeudi 12 novembre, organisée par les camarades de Cafioul, qui invite un combo noise espagnol, je crois, sous le nom de Betunizer. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir la jeune formation rennaise Orgone. Donc c'est ce jeudi 12 à partir de 21h pour 6€. Et également dimanche 15 novembre au Baric, une soirée organisée par la compagnie L'Échelle de Jacob avec Oax Oax, Crab Rangoon Institute of Mental Health et le Bitter Show. Voilà, donc ça va être pour 5 ou 6 euros également au Baric à Rennes, en haut de la place des Lys. Également à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran, en face du bar Le Delta. Vous pourrez voir le film Les Stances à Sophie ce mercredi 11 novembre. Alors il faut taper à la porte, alors je ne sais pas trop à quelle heure ce sera, plutôt vers 18-20h j'imagine. En tout cas, possibilité de se pointer dans ces heures-là, puis c'est férié aussi, donc ce sera l'occasion de fêter ça à la Maison de la Grève. On va se quitter avec un dernier titre extrait de la deuxième partie du Movement Buildings de Gabriel Salomon, qui est un musicien de Vancouver qu'on a connu surtout au sein des Yellow Swans et qui fait cavalier seul depuis quelques années. Il avait sorti la première partie l'an dernier sur l'excellent label de monsieur Bartholomé Sanson, Shelter Press, qu'il co-anime d'ailleurs en compagnie de Felicia Atkinson. Et il vient tout juste de récidiver avec le Movement Building Volume 2 de Gabriel Mindel Salomon. Je propose donc de conclure avec le titre Gagaku, qui fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Le temps pour moi aussi de vous rappeler que l'émission est entièrement podcastable, réécoutable, avec les playlists et les liens et les possibilités aussi de naviguer à partir donc du site asile35.blogspot.fr. Et on se quitte donc avec Mr. Gabriel Salomon. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine.